Peu à peu cependant, son regret des contrées lointaines s'affaiblit. L'habitude mettait sur sa vie une couche de résignation, pareille au revêtement de calcaire que certaines eaux déposent sur les objets, et une sorte d'intérêt pour les mille choses insignifiantes de l'existence quotidienne, un souci des simples et médiocres occupations régulières renaquit en son cœur. En elle se développait une espèce de mélancolie méditante, un vague désenchantement de vivre. Que lui eût-il fallu? Que désirait-elle? Elle ne le savait pas. Aucun besoin mondain ne la possédait. Aucune soif de plaisir, aucun élan même vers des joies possibles. Lesquelles d'ailleurs? Ainsi que les vieux fauteuils du salon, ternis par le temps, tout se décolorait doucement à ses yeux, tout s'effaçait, prenait une nuance pâle et morne. Ses relations avec Julien avaient changé complètement. Il semblait tout autre, depuis le retour de leur voyage de noces, comme un acteur qui a fini son rôle et reprend sa figure ordinaire. C'est à peine s'il s'occupait d'elle, s'il lui parlait même. Toute trace d'amour avait subitement disparu. Et les nuits étaient rares où il pénétrait dans sa chambre. Il avait pris la direction de la fortune et de la maison, révisé les baux, harcelé les paysans, diminué les dépenses. Et, ayant revêtu lui-même des allures de fermier gentilhomme, il avait perdu son vernis et son élégance de fiancé. Il ne quittait plus, bien qu'il fût tigré de taches, un vieil habit de chasse en velours, garni de boutons de cuivre, retrouvé dans sa garde-robe de jeune homme, et, envahi par la négligence des gens qui n'ont plus besoin de plaire, il avait cessé de se raser, de sorte que sa barbe longue, mal coupée, l'enlaidissait incroyablement. Ses mains n'étaient plus soignées, et il buvait, après chaque repas, 4 ou 5 petits verres de cognac. Jeanne avait essayé de lui faire quelques tendres reproches. Il avait répondu si brusquement « Tu vas me laisser tranquille, n'est-ce pas ?» qu'elle ne se hasarda plus à lui donner des conseils. Elle avait pris son parti de ces changements d'une façon qui l'étonnait elle-même. Il était devenu un étranger pour elle, un étranger dont l'âme et le cœur lui restaient fermés. Elle y songeait souvent, se demandant d'où venait qu'après s'être rencontré ainsi, aimé, épousé dans un élan de tendresse, ils se retrouvaient tout à coup, presque aussi inconnus l'un et l'autre, que s'ils n'avaient pas dormi côte à côte. Et comment ne souffrait-elle pas davantage de son abandon? Était-ce ainsi la vie? S'était-il trompé? N'y avait-il plus rien pour elle dans l'avenir? Si Julien était demeuré beau, soigné, élégant, séduisant, peut-être eût-elle beaucoup souffert.